Chapitre 103, La voix douloureuse. En remontant en voiture, le roi et la reine virent avec étonnement qu'ils n'avaient plus autour d'eux, pour les regarder partir, que la population de la ville, et pour les accompagner, que de la cavalerie. C'était encore une intention de Barnabe. Il savait ce que, la veille, la reine, forcée de marcher au pas, avait souffert de la chaleur, de la poussière, des insectes, de la multitude, des menaces faites à ses gardes et aux fidèles serviteurs, qui venait pour lui adresser un dernier salut. Il avait faim d'avoir reçu la nouvelle d'une invasion. M. de Bouillet rentrait en France avec 50 000 Autrichiens. C'était contre lui que devait se porter tout homme ayant un fusil, une faux, une pique, une arme quelconque, enfin. Et toute la population avait entendu cet appel et était retournée sur ses pas. C'est qu'alors il y avait en France une véritable haine de l'étranger, haine si puissante qu'elle l'emportait sur celle que l'on avait vouée au roi et à la reine dont le plus grand crime était d'être étrangère. Marie-Antoinette devina d'où lui venait ce nouveau bienfait. Nous disons bienfait, et le mot n'est point exagéré. Elle remercia Barnabe d'un coup d'œil. Au moment où elle allait prendre place dans la voiture, son regard avait cherché celui de Charny. Charny était déjà sur son siège, seulement, au lieu de se placer au milieu, comme la veille, il avait obstinément voulu céder à M. de Malden cette place, moins dangereuse que celle qu'avait occupée jusque-là le fidèle garde du corps. Charny eût désiré qu'une blessure lui permît d'ouvrir cette lettre de la comtesse qui lui brûlait le cœur. Il ne vit donc point le regard de la reine, qui cherchait le sien. La reine poussa un profond soupir. Barnabe l'entendit. Inquiet de savoir où allait ce soupir, le jeune homme s'arrêta sur le marchepied de la voiture. « Madame, dit-il, je me suis aperçu hier que vous étiez bien serré dans cette berline. Une personne de moins vous fera quelque allégement. Si vous le désirez, je monterai dans la voiture de suite avec M. de la Tour au bout, où je vous accompagnerai à cheval. » Barnabe, en faisant une pareille offre, lui donnait la moitié des jours qui lui restaient à vivre, et il ne lui en restait pas beaucoup, pour que cette offre fût refusée. Elle le fut. « Non, dit vivement la reine, restez avec nous, vous. » En même temps, le dauphin disait, en étendant ses petites mains pour attirer à lui le jeune député, « mon ami Barnabe, je ne veux pas que tu t'en ailles. » Barnabe, radieux, reprit sa place de la veille. À peine y fut-il assis que le dauphin, à son tour, passa des genoux de la reine sur les siens. La reine embrassa, en le laissant glisser de ses mains, le dauphin sur les deux joues. La trace humide de sa lèvre resta empreinte sur la peau veloutée de l'enfant. Barnabe regarda cette trace du baiser maternel comme Tantale devait regarder les fruits qui pendaient sur sa tête. « Madame, dit-il à la reine, votre majesté daignerait-elle m'accorder la faveur d'embrasser l'auguste prince, qui, guidé par l'instinct faillible de son âge, veut bien m'appeler son ami ?» La reine fit en souriant un signe de tête. Alors, les lèvres de Barnabe se collèrent sur cette trace des lèvres de la reine avec une telle ardeur que l'enfant effrayé jeta un cri. La reine ne perdait rien de tout ce jeu où Barnabe apportait sa tête. Peut-être n'avait-elle pas plus dormi que Barnabe et Charny. Peut-être cette espèce d'animation qui rendait la vie à ses yeux était-elle causée par la fièvre intérieure qui la brûlait. Mais ses lèvres couvertes d'une couche de pourpre, ses joues légèrement teintées d'un rose presque imperceptible, faisaient d'elle cette dangereuse sirène qui, avec un de ses cheveux, était sûre de conduire ses adorateurs jusqu'à l'abîme. Grâce à la précaution de Barnabe, la voiture faisait maintenant 2 lieues à l'heure. À Château-Thierry, l'on s'arrêta pour dîner. La maison où l'on fit halte était située près de la rivière, dans une position charmante, et appartenait à une riche marchande de bois qui n'avait point attendu qu'on la désignât, mais qui, la veille, apprenant que la famille royale devait passer par Château-Thierry, avait fait partir à cheval un de ses commis pour offrir à messieurs les députés de l'Assemblée nationale de leur donner ainsi qu'au roi et à la reine l'hospitalité dans sa maison. L'offre avait été acceptée. Aussitôt que la voiture s'arrêta, un concours empressé de serviteurs indiqua aux augustes prisonniers une réception toute différente de celle qu'il avait subie la veille à l'auberge de Dormans. La reine, le roi, Madame Élisabeth, Madame de Tourzel et les deux enfants furent conduits dans des chambres séparées où tous les préparatifs étaient faits pour que chacun pût donner à sa toilette les soins les plus minutieux. Depuis son départ de Paris, la reine n'avait point rencontré pareille prévoyance. Les habitudes les plus délicates de la femme venaient d'être caressées par cette aristocratique attention. Marie-Antoinette, qui commençait à apprécier de pareils soins, demanda, pour la remercier, sa bonne hôtesse. Un instant après, une femme de 40 ans, fraîche encore et mise avec une simplicité extrême, se présenta. Elle avait eu jusque-là la modestie de se tenir loin des regards de ceux qu'elle recevait. « C'est vous, madame, qui êtes la maîtresse de la maison ?» lui demanda la reine. « Oh, madame !» s'écria l'excellente femme en fondant larmes. « Partout où votre majesté daigne s'arrêter, et quelle que soit la maison honorée de sa présence, là où est la reine est la seule maîtresse. » Marie-Antoinette jeta un regard autour de la chambre pour voir s'ils étaient bien seuls. Puis, s'étant assurée que personne ne pouvait voir ni entendre, « Si vous vous intéressez à notre tranquillité, » dit-elle en lui prenant la main, en l'attirant à elle et en l'embrassant comme elle eût fait d'une amie, « et si vous avez quelques soucis de votre propre salut, calmez-vous et modérez ces marques de douleur. Car si l'on venait à s'apercevoir du motif qui les cause, elles pourraient vous être funestes. Et vous devez comprendre, s'il vous arrivait quelques désagréments, combien cela ajouterait à nos peines. Nous nous reverrons, peut-être. Contentez-vous donc, et conservez-moi une amie, dont la rencontre aujourd'hui m'est si rare et si précieuse. » Après le dîner, on se remit en route. La chaleur était accablante. Le roi, qui s'était plusieurs fois aperçu que Madame Élisabeth, écrasée de fatigue, laissait tomber malgré elle sa tête sur sa poitrine, exigea que la princesse prît, jusqu'à Meaux, où l'on devait coucher, sa place au fond de la voiture. Sur l'ordre express du roi, Madame Élisabeth céda. Pétion avait assisté à tout ce débat sans offrir sa place. Barnave, pourpre de honte, cachait sa tête entre ses deux mains, mais à travers les ouvertures de ses doigts, il pouvait voir le sourire mélancolique de la reine. Au bout d'une heure de marche, la fatigue de Madame Élisabeth devint si grande qu'elle s'endormit tout à fait, et la conscience de ce qu'elle faisait était si éteinte en elle-même que sa belle tête d'ange, après avoir ballotté un instant à droite et à gauche sur ses épaules, finit par se reposer sur l'épaule de Pétion. C'est ce qui fait dire au député de Chartres, dans la relation inédite de son voyage, que Madame Élisabeth, la sainte créature que vous savez, était devenue amoureuse de lui, et en reposant un moment sa tête sur son épaule, cédait à la nature. Vers 4 heures de l'après-midi, l'on arriva à Meaux, et l'on s'arrêta devant le palais épiscopal qu'avait habité Bossuet et dans lequel, 87 ans auparavant, l'auteur de discours sur l'histoire universelle était mort. Le palais était habité par un évêque constitutionnel et assermenté. On s'en aperçut plus tard à la façon dont il reçut la famille royale. Mais pour le moment, la reine ne fut frappée que de l'aspect sombre du bâtiment dans lequel elle allait entrer. Nulle part, palais princier ou religieux, ne s'élevait plus digne par sa mélancolie, d'abriter la suprême infortune qui venait lui demander asile pour une nuit. Ce n'est plus comme à Versailles où la grandeur est magnifique. Ici, la grandeur est simple. Une large pente pavée de briques conduit aux appartements. Et les appartements donnent sur un jardin dont les remparts même de la ville font le soutènement. Ce jardin est dominé par la tour de l'église, tour entièrement couverte de lierre et conduit par une allée bordée de houx au cabinet d'où l'éloquent évêque de Meaux jetait de temps en temps un de ces cris sinistres qui présagent la chute des monarchies. La reine promena son regard sur cette lugubre bâtisse, et la trouvant selon l'état de son esprit, elle porta les yeux autour d'elle, cherchant un bras ou appuyer le sien pour visiter le palais. Barnave seul était là. La reine sourit. « Donnez-moi le bras, monsieur, dit-elle, et ayez la bonté de me servir de guide dans ce vieux palais. Je n'oserais m'y aventurer seul. » J'aurais peur d'y entendre retentir cette grande voix qui, un jour, fit tressaillir la chrétienté à ce cri « Madame se meurt, Madame est morte !» Barnave s'approcha rapidement et offrit son bras à la reine avec un empressement mêlé de respect. Mais la reine jeta un dernier regard autour d'elle. L'absence obstinée de Charny l'inquiétait. Barnave, qui voyait tout, remarqua ce regard. « La reine désire quelque chose » demanda-t-il. « Oui, je désirais savoir où est le roi. » répondit Marie-Antoinette. « Il a fait l'honneur à M. Pétion de le recevoir, » dit Barnave, « et il cause avec lui. » La reine parut satisfaite. Puis, comme si elle eut besoin de s'arracher à elle-même et de sortir de sa propre pensée, « Venez, » dit-elle. Et elle entraîna Barnave à travers les appartements du palais épiscopal. On eût dit qu'elle fuyait, suivant l'ombre flottante dessinée par son esprit, et ne regardant ni devant ni derrière elle. Dans la chambre à coucher du grand prédicateur, elle s'arrêta enfin, presque essoufflée. Le hasard fit qu'elle se trouva en face d'un portrait de femme. Elle leva machinalement les yeux, et lisant sur le cadre ces mots, « Madame Henriette, elle tressaillit. Ce tressaillement, Barnabe le sentit sans le comprendre. « Votre Majesté souffre-t-elle » demanda-t-il. « Non, » dit la reine. « Mais ce portrait, Madame Henriette ?» Barnabe devina ce qui se passait dans le cœur de la pauvre femme. « Oui, » dit-il, « Madame Henriette. Mais Madame Henriette d'Angleterre, non pas la veuve du malheureux Charles Ier, mais la femme de l'insouciant Philippe d'Orléans, non pas celle qui pense à mourir de froid au Louvre, mais celle qui mourut empoisonnée à Saint-Cloud, et qui, en mourant, envoya sa bague à Bossuet. » Puis, après un instant d'hésitation, « J'aimerais mieux que ce fût le portrait de l'autre, » dit-il. « Et pourquoi cela ?» demanda Marie-Antoinette. « Mais parce qu'il y a des bouches qui seules osent donner certains conseils, et ces bouches sont surtout celles que la mort a fermées. Et ne pourriez-vous me dire, monsieur, ce que me conseillerait la bouche de la veuve du roi Charles ?» demanda la reine. « Si sa majesté l'ordonne, j'essaierai, » répondit Barnabe. « Essayez alors. »« Oh, ma sœur, » vous direz cette bouche, « ne vous apercevez-vous pas de la ressemblance qu'il y a entre nos deux destinées ?»« Je venais de France comme vous venez d'Autriche. J'étais pour les Anglais une étrangère comme vous êtes une étrangère pour la France. J'aurais pu donner à mon mari égaré de bons conseils. Je gardais le silence ou lui en donnais de mauvais. Au lieu de le rallier à son peuple et de rallier son peuple à lui, je l'excitais à la guerre. Je lui donnais le conseil de marcher sur Londres avec les protestants irlandais. Non seulement j'entretenais une correspondance avec l'ennemi de l'Angleterre, mais encore je passais deux fois en France pour amener en Angleterre des soldats étrangers. Enfin, Barnabe s'arrêta. « Continuez, » reprit la reine, le sourcil sombre et la lèvre plissée. « Pourquoi continuerai-je, madame ?» répondit le jeune orateur en secouant tristement la tête. « Vous savez aussi bien que moi la fin de cette sanglante histoire. » « Oui, je vais donc continuer et vous dire à vous ce que le portrait de Madame Henriette dirait à moi, afin que vous m'appreniez si je me trompe. » Enfin, les Écossais trahirent et livrèrent leur roi. Le roi fut arrêté au moment où il rêvait de passer en France. Un tailleur l'alla prendre, un boucher le conduit en prison. Un charretier purgea la chambre qui le devait juger. Un marchand de bière présida la cour de justice, et pour que rien ne manquât à l'odieux de ce jugement et à la révision de ce procès inique porté devant le souverain juge qui reçoit tous les procès, un bourreau masqué trancha la tête de la victime. Voilà ce que le portrait de Madame Henriette me dirait, n'est-ce pas ? Eh mon Dieu, je sais tout cela aussi bien que personne. Je le sais d'autant mieux que rien ne manque à la ressemblance. Nous avons notre marchand de bière des faubourgs. Seulement, au lieu de s'appeler Cromwell, il s'appelle Santerre. Nous avons notre boucher. Seulement, au lieu de s'appeler Harrison, il s'appelle comment ? Le gendre, je crois. Nous avons notre charretier. Seulement, au lieu de s'appeler Pridge, il s'appelle... Oh, pour cela, je n'en sais rien. L'homme est si peu de choses que je ne connais pas même son nom, ni vous non plus, j'en suis sûr. Mais demandez-le-lui, il vous le dira. C'est l'homme qui conduit notre escorte, un paysan, un vilain, un manant, que sais-je. Eh bien voilà ce que Madame Henriette me dirait. Et que lui répondriez-vous ? Je lui répondrai, pauvre chère princesse, ce ne sont pas des conseils que vous me donnez là. C'est un cours d'histoire que vous me faites. Le cours d'histoire est fait. Maintenant, j'attends les conseils. Oh, ces conseils, madame, dit Barnabe, si vous ne vous refusiez pas à les suivre, ce seraient non seulement les morts, mais encore les vivants qui vous les donneraient. Morts ou vivants, que ceux qui doivent parler parlent. Qui dit, si les conseils sont bons, qu'on ne les suivra point ? Eh, mon Dieu, madame, morts ou vivants n'ont qu'un seul conseil à vous donner, lequel ? Vous faire aimer du peuple. Avec cela que c'est facile de se faire aimer de votre peuple. Eh, madame, ce peuple est bien plus le vôtre que le mien, et la preuve, c'est qu'à votre arrivée en France, ce peuple vous adorait. Oh, monsieur, que vous parlez là d'une chose fragile, la popularité. Madame, madame, dit Barnabe, si moi, inconnu, sorti de mon obscure sphère, j'ai conquis cette popularité, combien vous était-il plus aisé de la garder ? Ou vous serait-il plus facile de la reconquérir ? « Mais non, » continua Barnabe en s'animant, « non. Votre cause, la cause de la monarchie, la plus sainte, la plus belle des causes, à qui l'avez-vous confiée ? Quelles voix et quels bras l'ont défendue ? On ne vit jamais pareille ignorance des temps, pareil oubli du génie de la France. Oh, tenez-moi, moi qui ai sollicité la mission d'aller au-devant de vous dans ce seul but, moi qui vous vois, moi qui vous parle enfin, combien de fois, mon Dieu, n'ai-je pas été au moment d'aller m'offrir à vous ? De me dévouer, de... Silence ! dit la reine. « On vient. Nous recoserons de tout cela, monsieur Barnabe. Je suis prête à vous revoir, à vous entendre, à suivre vos conseils. »« Oh, madame, madame !» s'écria Barnabe, transporté. « Silence !» répéta la reine. « Votre majesté est servie !» dit en paraissant sur le seuil de la porte le domestique dont on avait entendu les pas. On rentra dans la salle à manger, le roi y arrivait par une autre porte. Il venait de causer avec Pétion pendant tout le temps que la reine avait causé avec Barnabe, et il paraissait fort animé. Les deux gardes l'attendaient debout, réclamant comme toujours le privilège de servir leur majesté. Charny, le plus éloigné de tous, se tenait debout dans l'embrasure d'une fenêtre. Le roi regarda autour de lui, et profitant du moment où il était seul avec sa famille, les deux gardes et le comte, « Messieurs, dit-il à ces derniers, après le souper, il faut que je vous parle. Vous me suivrez donc, s'il vous plaît, dans mon appartement. » Les trois officiers s'inclinèrent. Le service commença ainsi que d'habitude. Mais, quoique dressé cette fois chez un des premiers évêques du royaume, la table était aussi mal servie le soir à Meaux qu'elle avait été bien servie le matin à Château-Thierry. Le roi, comme toujours, avait grand appétit, et mangea beaucoup malgré la mauvaise chair. La reine ne prit que 2 œufs frais. Depuis la veille, le dauphin, qui était un peu malade, demandait des fraises. Mais le pauvre enfant n'en était déjà plus au temps où ses moindres désirs étaient prévenus. Depuis la veille, tous ceux à qui il s'était adressé lui avaient répondu « Ou, il n'y en a pas, ou, l'on ne peut pas en trouver. » Et cependant, sur la route, il avait vu de gros enfants de paysans mangeant même des bouquets de fraises qu'ils avaient été cueillir dans les bois. Il avait alors, pauvre petit, fort envié ces gros enfants, aux cheveux blonds, aux joues roses, qui n'avaient pas besoin de demander des fraises, et qui, lorsqu'ils en avaient envie, allaient les cueillir eux-mêmes, sachant les clairières où poussent les fraises, comme les petits oiseaux savent les champs, où fleurissent la navette et le chêne-vie. Ce désir qu'elle n'avait pas pu satisfaire avait fort attristé la reine, de sorte que lorsque l'enfant, refusant tout ce qu'on lui offrait, demanda de nouveau des fraises, les larmes vinrent aux yeux de la mère impuissante. Elle chercha autour d'elle à qui elle pourrait s'adresser et aperçut Charny, muet, debout, immobile. Elle lui fit signe, une fois, 2 fois, mais, absorbée dans sa pensée, Charny ne vit point les signes de la reine. Enfin, d'une voix rauque d'émotion, « Monsieur le comte de Charny » dit-elle. Charny tressaillit, comme si on l'eût tiré d'un rêve, et fit un mouvement pour s'élancer vers la reine. Mais en ce moment, la porte s'ouvrit, et Barnabe parut un plat de fraises à la main. « La reine m'excusera, dit-il, si j'entre ainsi. Et le roi sera assez bon, je l'espère, pour me pardonner. Mais plusieurs fois dans la journée, j'ai entendu monsieur le dauphin demander des fraises. J'ai trouvé ce plat sur la table de l'évêque, je l'ai pris et je l'apporte. » Pendant ce temps, Charny avait fait le tour et s'était approché de la reine, mais celle-ci ne lui donna pas même le temps de venir jusqu'à elle. « Merci, monsieur le comte, dit-elle. Monsieur Barnabe a deviné ce que je désirais, et je n'ai plus besoin de rien. » Charny s'inclina, et sans répondre un seul mot, retourna à sa place. « Merci, mon ami Barnabe, dit le jeune dauphin. « Monsieur Barnabe, dit le roi, notre dîner n'est pas bon, mais si vous voulez en prendre votre part, vous nous ferez plaisir à la reine et à moi. » « Sire, dit Barnabe, une invitation du roi est un ordre. « Où plaît-il à votre majesté que je m'assoie ?»« Entre la reine et le dauphin, dit le roi. » Barnabe s'assit, fou tout à la fois d'amour et d'orgueil. Charny regarda toute cette scène, sans que le moindre frisson de jalousie courût de son cœur à ses veines. Seulement, voyant ce pauvre papillon qui lui aussi venait se brûler à la lumière royale. « Encore un qui se perd, dit-il. C'est dommage, celui-là valait mieux que les autres. » Puis revenant à son incessante pensée, « Cette lettre, murmura-t-il, que peut-il y avoir dans cette lettre ?